12. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu dînait un jour avec monsieur et madame Didier chez un ami commun. C'était la première fois que monsieur et madame Didier rencontraient monsieur Mathieu. À table, monsieur Mathieu prit un soin tout particulier du verre et de l'assiette de madame Didier. Il lui versait du meilleur vin. Il lui passait les morceaux les plus délicats. Dans la conversation, il saisit l'occasion de lancer cette phrase, sous forme d'axiome. Ce n'est que de 40 à 50 ans qu'existe pour une femme l'âge de la véritable perfection physique et morale. Madame Didier pouvait avoir 42 ans. Une discussion s'étant élevée au sujet d'une mesure financière qui faisait grand bruit à cette époque, monsieur Didier se mit à développer assez longuement une foule de propositions plus ou moins banales. Monsieur Mathieu lui prêta une attention soutenue et déclara, lorsqu'il eut fini, que jamais il n'avait entendu élucider la question avec autant de verve et de netteté. « Monsieur Mathieu est un fort aimable convive, » dit madame Didier à son mari. « Et un homme de grand jugement, » ajouta monsieur Didier. « Ce serait une agréable connaissance à faire. Un ami précieux à conquérir. » D'un accord si parfait, il ne pouvait guère moins sortir qu'une invitation à dîner. Monsieur Mathieu accepta avec un empressement qui témoignait de sa vive sympathie pour les personnes qui l'invitaient. Ce dîner, où les hôtes et le convive ne firent que se confirmer dans leur mutuelle estime, fut naturellement suivi d'une visite de monsieur Mathieu. Nouveau dîner, nouvelle visite. Avant la fin du mois, on était dans les termes d'une intimité parfaite. Les relations devinrent de plus en plus fréquentes. Un jour passé sans voir monsieur Mathieu était pour les deux époux un jour de deuil, auquel presque toujours des querelles de ménage venaient apporter leur appoint de tristesse et d'ennui. Les visites de monsieur Mathieu n'eurent lieu d'abord que le soir. Monsieur Didier mettait au-dessus de tous les jeux le jeu de piquet. Monsieur Mathieu joua au piquet avec monsieur Didier. Qu'était-ce que des visites du soir pour répondre aux exigences d'une amitié toujours croissante? Monsieur Mathieu y ajouta des visites de jour. La promenade était le plaisir favori de madame Didier, qui avait une préférence marquée pour le jardin du Luxembourg. À peine le soleil dardait-il quelqu'un de ses rayons que monsieur Mathieu présentait le bras à madame Didier pour la conduire à sa promenade de prédilection. Monsieur Mathieu était loin de partager, à l'endroit du piquet, l'enthousiasme de monsieur Didier. Il avait en revanche un goût prononcé pour les échecs. « Toujours le piquet, ça doit vous ennuyer, mon cher monsieur Didier. »« Mais non. »« Si fait. Il faut que je vous apprenne à jouer aux échecs. Ça variera à vos plaisirs. » »« On dit que c'est un jeu fort difficile. »« Pour les gens d'un esprit borné, sans doute. »« Mais pour vous. » Monsieur Didier sua sang et eau pendant 6 semaines, au bout desquelles il était de force à se faire battre à plate couture par le joueur le plus ordinaire. « Parfait, lui dit monsieur Mathieu en le gagnant. Il n'y a plus que l'expérience qui vous fasse défaut. » Et pour que l'expérience ne manquât point à monsieur Didier, monsieur Mathieu lui fit faire tous les soirs régulièrement une partie d'échecs. Du piquet, il n'en fut plus question. Monsieur Mathieu avait en grande aversion le jardin du Luxembourg et en grande estime celui des Tuileries. « Ne trouvez-vous pas un peu mêlée la société qui fréquente le Luxembourg ? » dit-il un jour à madame Didier. « Ma foi, je n'en ai point fait la remarque. Ces détails échappent aux esprits supérieurs. Cependant, je ne puis m'empêcher de vous faire remarquer qu'ici, le nombre des gens, comme il faut, va toujours diminuant, tandis que les Tuileries deviennent décidément, m'a-t-on dit, le rendez-vous privilégié du beau monde. » Madame Didier, qui avait la prétention de faire partie du beau monde, pria dès le lendemain monsieur Mathieu de la conduire aux Tuileries. Mais ce ne fut pas sans donner un soupir de regret à son cher Luxembourg. « Qu'est-ce donc que vous lisez là, mes bons amis? Du Berquin? Du Florian ?» Et monsieur Mathieu se prit à rire comme un fou. « Ma femme, dit monsieur Didier un peu honteux, trouve beaucoup de charme aux émotions que lui font éprouver les petits drames de ces deux écrivains. » Madame Didier, répliqua monsieur Mathieu, serait bien autrement émue par la lecture des grands drames de nos jours. Je me ferais un devoir de l'initier aux beautés de notre théâtre moderne. Il n'entra bientôt plus dans la maison Didier que des ouvrages ayant pour passeport l'approbation de monsieur Mathieu. Les nerfs délicats de madame Didier ne se firent pas sans peine au montant de cette littérature. Elle eut plus d'un cauchemar et plus d'une crise nerveuse. Mais on s'habitue à tout, même au cauchemar, et ce qui avait commencé par être une douleur finit par devenir une jouissance. Par une conséquence toute naturelle de cette première modification, monsieur et madame Didier, toujours dirigés par monsieur Mathieu, oublièrent le chemin du vaudeville et du gymnase pour ne plus suivre que celui de l'ambigu comique et de la gaieté. La famille Didier avait conservé de nos pères la coutume de marquer par un repas chacune des trois parties du jour. Elle déjeunait, elle dînait et elle soupait. Monsieur Mathieu, devenu commensal de la maison, prétendit qu'il était de meilleur ton de manger moins souvent, et plus sain de manger davantage à la fois. Il citait pour exemple son estomac, qui n'avait jamais pu s'accommoder du régime des trois repas. La chose ainsi posée, les estomacs de la famille Didier ne pouvaient se dispenser de prendre relais sur celui de Monsieur Mathieu. On recula les heures de se mettre à table, et le souper fut supprimé. Monsieur et Madame Didier buvaient du vin de Bourgogne. Monsieur Mathieu aimait le vin de Bordeaux, et le vin de Bordeaux, sous prétexte qu'il était plus fortifiant, ne tarda pas à prendre la place du vin de Bourgogne. Insensiblement, la cuisinière Marthe en vint à ne se point permettre d'allumer ses fourneaux avant que Monsieur Mathieu eût dressé lui-même le menu du repas. L'odeur du charbon de terre offensait les nerfs olfactifs de Monsieur Mathieu. On ne brûla plus que du bois chez Monsieur Didier. Monsieur Mathieu, qui avait l'habitude de se lever tard, trouvait un grand plaisir à prolonger ses soirées. Il fit, sur l'usage de se coucher comme les poules, de si piquantes railleries que Monsieur et Madame Didier n'osèrent plus se mettre au lit avant 1 heure du matin. Monsieur Mathieu, je me suis décidé pour une robe de satin. Étofferait des condrapes difficilement avec grâce. Vous croyez? J'aurais préféré une robe de taffetas. Quant à la nuance, il me semble que le noir... Eh eh! Le noir vous déplaît? Je suis certain que la couleur feuille morte vous irait à ravir. Et voilà Madame Didier condamnée, de par Monsieur Mathieu, à porter une robe de taffetas feuille morte au lieu de la robe de satin noir, sur laquelle s'étaient portées ses vues. Monsieur Didier avait répudié le chapeau de soie et les bottes depuis le jour où il avait entendu Monsieur Mathieu faire le panégyrique du feutre gris et du soulier napolitain. La famille Didier occupait une ravissante petite maison dans la rue de l'Ouest, près de l'Observatoire. Monsieur Mathieu tenait beaucoup à son appartement de la rue de Rivoli, d'où son regard embrassait le rideau de verdure qui s'étend du palais des Tuileries aux Champs-Élysées. De la rue de l'Ouest à la rue de Rivoli, le chemin à minuit est long, triste, désert. Il fallait renoncer au plaisir de passer toutes les soirées ensemble, ou aviser au moyen de rendre les communications plus faciles. Quel quartier que celui de l'Observatoire! Des rues mornes, silencieuses, point de boutique ouverte à 10 heures du soir, une véritable physionomie de ville de province, en un mot le marais de la rive gauche. Pour habiter ce pays perdu, il faut être bien astronome. Que répondre à de pareilles raisons? Prouver en déménageant qu'on n'est pas astronome. C'est ce que fit la famille Didier. Un soir, il y eut grand conseil pour déterminer l'emploi d'une somme de 60 000 francs que M. Didier venait d'hériter. Si nous prenions des actions dans quelque bonne entreprise, sans doute, fit M. Mathieu en hochant la tête. Mais pour être édifié sur la bonté d'une entreprise, quels moyens employer, à moins d'attendre qu'elle soit en pleine exploitation? Or, les actions en sont alors fort chères. Monsieur Didier réfléchit quelques instants. Parbleu, m'y voici, je fais bâtir une maison. À Paris, pour 60 000 francs, vous n'aurez qu'une bicoque. Il vaudrait peut-être mieux, dit Madame Didier, acheter une folie toute faite, dans un bon quartier. Une propriété de ville? Ah, mon Dieu, c'est se créer bien des embarras et des ennuis. Une maison de campagne à la bonne heure. Monsieur Didier, je partage tout à fait la manière de voir de Monsieur Mathieu. Va donc pour une maison de campagne. Monsieur Mathieu reprit. N'oubliez pas que les voyages sont dispendieux. Très dispendieux. N'avons-nous point à notre proximité des endroits délicieux? Montmorency, Enghien, Fontenay-aux-Roses. Où vous serez écrasé par les toilettes scandaleuses de femmes qui ne sont pas dignes de délasser vos bottines, Madame Didier. Choisissez-moi donc un petit village de bons paysans, au milieu desquels vous vivrez en grand seigneur. Cette idée me sourit, fit Madame Didier. Je l'adopte, appuya Monsieur Didier, à condition toutefois que le village sera situé sur le bord d'une rivière. Sur la lisière d'un bois, interrompit Monsieur Mathieu. Cela m'est égal, pourvu qu'il y ait une rivière. Et pourquoi cette rivière, mon cher Monsieur Didier? Parbleu, pour y prendre du poisson. Vous aimez la pêche? Passionnément. Monsieur Mathieu haussa les épaules en signe de profond mépris. Et pourquoi sur la lisière d'un bois? Demanda Monsieur Didier à son tour. Pour y courir le lièvre, morbleu. Vous aimez la chasse? Et je l'avoue. Tandis que si j'avais le malheur d'aimer la pêche, voyons, qu'est-ce que la chasse? Le plaisir des rois. Ouvrez un journal, vous y lirez. Le roi a chassé hier dans telle ou telle forêt. Jamais aucun journal ne vous dira le roi pêchera demain dans telle ou telle rivière. Je me souviens en effet, reprit Madame Didier, d'avoir lu quelque part que la pêche était le plaisir des petites gens et l'occupation des petits esprits. Je ne l'aurais pas dit, madame, regardant Monsieur Didier comme une exception. Le résultat de cette conférence fut qu'on acheta une maison en campagne, qu'on la choisit à quelques lieues de Paris, dans un pays dépourvu de rivières, mais couvert de bois magnifique, et que M. Didier, après avoir fait cadeau de ses lignes au portier de la maison, s'essouffla royalement à suivre, sans tuer le moindre moineau, l'excellent tireur M. Mathieu, qui savourait à son aise les délices de la chasse. L'ascendant de M. Mathieu sur le couple Didier s'étendait, comme on le voit, à tout et partout. On n'avait de goût que pour les siens, de volonté que la sienne. On le consultait sur les petites comme sur les grandes affaires. On regardait ses avis comme autant d'oracles. C'était arrivé au point qu'il ne se donnait plus la peine de discuter. Un mouvement de tête, un clignement d'œil, un simple « et il était aussitôt compris, prévenu, obéi. Cet empire, du reste, n'avait rien de despotique dans la forme. Peut-être même s'exerçait-il, en bien des circonstances, sans qu'il eût l'intention ou calcul de la part de M. Mathieu. Pour s'y soustraire, il eût suffi de le vouloir. Mais il est des gens toujours hésitants entre le pour et le contre, incapables d'initiative et de persévérance, qui trouvent le compte de leur faiblesse ou de leur paresse à se décharger sur autrui du travail de se faire une opinion, de prendre un parti, de formuler un ordre. Monsieur et Madame Didier étaient du nombre de ces gens-là. Pas encore d'aliéner ainsi sa propre liberté, mais la liberté des autres, mais par exemple celle de ses enfants. La chose alors cesse d'être indifférente, on n'est plus seulement ridicule, on peut devenir coupable. Monsieur et Madame Didier avaient deux enfants, un fils et une fille. Léon, le plus jeune, touchait à sa 18e année. Il allait sortir du collège. Pauline était une charmante petite personne blonde de 19 ans, ayant le regard d'une douceur extrême, et le caractère non moins doux que le regard. Le moment était venu de faire choix d'un mari pour Pauline, et pour Léon d'une profession. On a coutume en pareille circonstance de consulter tout le monde, hormis ceux qui ont naturellement le droit d'avoir un avis, et qui auraient à le faire prévaloir un intérêt légitime. Du jour où Léon avait pu serrer un crayon entre ses doigts, sa principale, pour ne pas dire son unique occupation, avait été de barbouiller de bonshommes ses livres et ses cahiers d'écriture. Avec le temps, les bonshommes eurent une physionomie, prirent des attitudes, formèrent des groupes. Bientôt il trouva dans chaque thème, dans chaque version, le sujet d'un croquis. En rhétorique, il n'écrivait point les narrations qu'on lui donnait à faire, il les dessinait. Ses commencements ont été ceux de la plupart des grands peintres, et de pareils symptômes valaient bien la peine qu'on les prît en considération. « Voilà Léon qui a terminé ses études. Qu'allons-nous faire de lui ?» demanda un jour M. Didier à M. Mathieu. « C'est une grave question que vous me posez là, cher ami, et dont la solution n'appartient qu'à vous seul. Je serais bien aise d'avoir votre opinion. Il me revient de tous les côtés, et d'après ce que j'ai vu, je ne suis pas moi-même éloigné de croire qu'il y a dans Léon l'étoffe d'un peintre. Les peintres se divisent en plusieurs classes, à descendre du grand artiste jusqu'au peintre d'enseigne. Sans m'y connaître beaucoup, je ne ferai pas à mon fils l'injure de le croire destiné à figurer dans cette dernière catégorie. Dis-moi, certes, mais de ce qu'on met deux yeux à peu près d'accord, et de ce qu'on ne casse ni bras ni jambes à ces bons hommes, s'ensuit-il nécessairement qu'on soit un Raphaël ? On peut le devenir. C'est le rêve d'environ 10 000 rapins chaque année. Quand il arrive que deux d'entre eux le réalisent, on dit que l'année a été bonne. 2 sur 10 000 ? Et j'ai compromis le beau nom de Raphaël. De Raphaël, grand Dieu, mais voilà plus de 3 siècles que Raphaël est mort, et il attend toujours son successeur. C'est vrai, si j'avais un fils, j'en ferais un Suisse d'église plutôt que de le fourvoyer dans une carrière où la nullité tombe au premier pas, où la médiocrité n'avance qu'en rampant, où le génie succombe presque toujours, attaqué par l'envie, arrêté par l'intrigue, dégoûté par les déceptions. Vous n'êtes pas un homme ordinaire, mon ami, s'écria M. Didier, tout plein d'admiration pour cette belle période de M. Mathieu. Puis il reprit avec un soupir. « Pauvre Léon, à quoi lui servira-t-il de savoir dessiner ? Mais à se faire entrepreneur de bâtiment, par exemple. Tous les entrepreneurs de bâtiment font fortune. Voilà qui me décide. » M. Didier annonça donc à son fils qu'en considération du penchant, qui paraissait le porter vers les beaux-arts, on consentait à le lancer dans la partie du bâtiment. Atelier de peinture, atelier d'architecture, que t'importe, pourvu que ce soit un atelier, et que ta main y soit armée d'un crayon. » Léon eut beau prier et résister, on ne tint pas plus compte de sa résistance que de ses prières. L'oracle avait parlé. Quelques jours plus tard, au milieu d'une conversation, M. Mathieu, sans y mettre aucune malice, jeta cette phrase. « Il y a des parents que préoccupe sans cesse la crainte de mettre une fille trop tôt en ménage. Mon avis est qu'ils devraient avoir la peur contraire. » Veulent-ils donc, pour confier à un homme le bonheur de leur enfant, attendre qu'elle ait perdu ce charme de la jeunesse, qui seul a le pouvoir de fixer la tendresse d'un époux ? Les paroles de M. Mathieu firent passer un rayon de lumière dans l'esprit de M. Didier. Les 19 ans de Pauline étaient justement l'âge de cette toute-puissance. Pauline fut interpellée le même jour par son père en présence de la famille, y compris M. Mathieu, bien entendu. « Ma fille, nous désirons aborder avec vous une grave question, celle de votre avenir. Il est de votre intérêt que vous nous répondiez avec une entière sincérité. Point de contraire, point de réticence, vous êtes devant des amis. » La solennité de ce début fit monter au front de Pauline une légère rougeur. Mais, encouragée par le ton affectueux de son père, par le regard bienveillant de sa mère et par le sourire de M. Mathieu, elle se remit bien vite de ce premier moment d'embarras. « Je suis prête à vous répondre, mon père, et je le ferai avec autant de franchise que vous en pouvez désirer. Sachez donc qu'après y avoir mûrement réfléchi, et en considération de ce que vous êtes entré dans votre 19e année, il nous a paru qu'il était temps de songer à vous trouver un mari. » Nouvelle rougeur de Pauline, qui, les yeux baissés vers le parquet, semblait y chercher un endroit où cacher sa confusion. « Est-ce que cette pensée de mariage vous effraie ?»« Oh non, mon père, » répondit-elle avec vivacité. « À la bonne heure. » Et maintenant, dites-moi, ma fille, votre cœur ne sera-t-il point, par hasard, laissé aller à quelque inclination ? Mon père, dans le nombre des jeunes gens que nous recevons ici, s'en trouverait-il un sur qui se seraient portées vos préférences ? Oui, mon père. Un beau jeune homme, sans doute ? Oui, mon père. De bonne famille ? Oui, mon père. Ayant des talents ? Oui, mon père. Des qualités ? Oui, mon père. De la fortune ? Oui, c'est-à-dire, non, mon père. M. Didier regarda M. Mathieu. « Mais il en gagnera, se hâta d'ajouter Pauline. Que fait-il ? Des vers. Ah, et son nom ? Jules d'Arguilly. » M. Didier regarda encore une fois M. Mathieu. Madame Didier fit comme M. Didier. M. Mathieu demeura impassible. « C'est bien, ma fille. » Pauline se retira toute troublée de voir que cet interrogatoire n'aboutissait à rien. « Eh bien, » fit M. Didier à M. Mathieu. « Eh bien, » répéta Madame Didier. « Eh bien, » répondit M. Mathieu, « que voulez-vous que je vous dise ? » Mademoiselle Pauline s'était prise d'une belle passion pour un M. Jules d'Arguilly, qui est jeune, qui est beau, qui a de l'esprit. Rien de plus naturel. Ce M. Jules d'Arguilly n'a pas le sou et fait des vers, double infirmité. Ah, pourquoi le cœur de Mademoiselle Pauline ne bat-il pas aussi bien pour M. Lamberto, qui est moins jeune, je l'accorde, moins beau, je l'accorde encore, mais qui est sur le point d'acheter une étude de notaire ? D'où je conclus qu'il possède déjà un certain capital, sans parler de celui qu'il ne peut manquer d'y ajouter par la suite. Je saurai alors que vous répondre. » Après cette tirade gravement débitée, M. Mathieu se retira. « Il a raison, » dit M. Didier à sa femme. « Un gendre poète, quelle misère ! Un gendre notaire, c'est la fortune. Il a parfaitement raison. » Le lendemain, on signifia à Pauline qu'elle eut à donner à M. d'Arguilly un congé en bonne forme, et le plus promptement possible. Pauline se jeta aux genoux de son père. « Je suis désolé de te refuser, mon enfant, mais un homme qui ne professe d'autre état que celui de faire des vers est un mari impossible. Demande plutôt à M. Mathieu. » Pauline essaya de toucher sa mère en lui disant que le chagrin la ferait indubitablement mourir. « Une femme ne meurt jamais, ma fille, quand elle a un salon, une voiture et des gens, et nous songeons à une étude de notaire qui te donnera tout cela. Demande plutôt à M. Mathieu. » Fille soumise avant tout, Pauline fit part à d'Arguilly de la décision de ses parents. « Je ne l'accepte point, » s'écria le jeune homme. « Que ferez-vous ? J'irai droit à votre père. Je lui dirai que notre amour n'est point un de ces sentiments nés d'un caprice, qu'un caprice peut anéantir. Que, pour vous obtenir, je me soumettrai à toutes les conditions qu'il lui plaira de m'imposer, que je suis prêt à renoncer à la poésie, à prendre une profession de son choix. Croyez-vous, Pauline, que je ne parviendrai pas à le convaincre ? Je crois, Jules, que vous convaincrez mon père. » Et puis c'est au cœur de votre mère que j'irai frapper. Une femme est encore plus facile à émouvoir. Je lui peindrai en des termes si touchants notre amour, notre désespoir, notre avenir brisé, qu'elle s'attendrira, soyez-en sûr. Oui, Jules, je suis sûr que vous attendrez aussi ma mère. Eh bien, mais vous ne convaincrez point Monsieur Mathieu, mais vous n'attendrirez point Monsieur Mathieu. Qu'est-ce donc que Monsieur Mathieu ? Demanda Jules en arrêtant sur Pauline un regard surpris. Pauline expliqua à Jules ce que c'était que M. Mathieu. « C'est donc à M. Mathieu que je vais m'adresser. » Et Jules quitta précipitamment Pauline pour courir chez M. Mathieu. « Monsieur, je me nomme Jules d'Arguilly. »« Ah, fort bien, monsieur. Prenez donc la peine de vous asseoir. »« C'est inutile. J'ai appris, monsieur, que vous vous opposiez à mon mariage avec Mademoiselle Didier. »« Je ne m'en reconnais pas le droit. M. Didier a eu la bonté de me consulter. Je lui ai franchement exprimé mon opinion, voilà tout. Aussi n'ai-je d'autre but en venant ici que de vous prier, monsieur, de vouloir bien donner à monsieur Didier, aujourd'hui, un conseil de nature à lui faire oublier votre opinion d'hier. Vous m'invitez tout bonnement à me donner un démenti. Je suis certain qu'en pareil cas, vous ne tiendriez point compte d'une telle invitation. Permettez que je fasse de même. » Jules éleva la voix. « J'irai ce soir faire à monsieur et à madame Didier la demande formelle de la main de mademoiselle Pauline, et j'entends ne point sortir de la maison avec un refus. Vous comprenez, monsieur ?»« Parfaitement. Vous m'avez donné connaissance de la loi. La sanction pénale, s'il vous plaît. Que cela ne vous inquiète pas. Si je suis refusé, nous nous battrons jusqu'à ce que l'un de nous ait tué l'autre. Nous nous battrons, c'est facile à dire. Et si je ne veux pas me battre, moi ? Il y a des insultes qui font venir du cœur au plus lâche, et je suis résolu à tout, monsieur. » Monsieur Mathieu s'inclina. « Dès ce moment, monsieur, je vous tiens pour refuser et moi pour insulter. Quand nous battons-nous »« Dans 2 heures, si vous n'y voyez pas d'objection. Ce délai nous suffira pour chercher des témoins. »« Dans 2 heures, soit. » Monsieur Mathieu suivit de l'œil d'Arguilly, qui sortait avec la tête haute et le regard brillant d'Achille, qui tend Agamemnon. « Eh, eh, pensa-t-il, ce monsieur Jules a une fougue qui ne me déplaît pas. C'est dommage que pour venir à moi, il ait choisi la mauvaise route. » 2 heures après cette entrevue, M. Mathieu logeait une balle dans le bras de d'Arguilly. « Recommençons, dit le jeune homme. Je m'y refuse positivement. L'arme vous échapperait de la main. Eh bien, ce sera donc quand ma blessure sera guérie. Il faut absolument que vous me tuiez. » M. Mathieu serra la main valide du blessé. « Vous êtes brave et de plus vraiment amoureux. Nous nous reverrons. » Le soir, M. Mathieu, M. Didier et Mme Didier étaient réunis au coin du feu. M. Mathieu ouvrit la conversation. « Vous savez ce prétendant dont nous parlions hier ? Monsieur Lamberto ? Non, Monsieur Jules d'Arguilly. Un charmant garçon, ma foi. Il m'a fait une visite pour me prier de l'appuyer auprès de vous. Et vous avez saisi cette occasion de lui faire connaître nos intentions bien arrêtées ? Mais non. D'abord, ce n'était pas dans mon rôle. Et puis, vous pouviez avoir fait des réflexions. Tout est parfaitement réfléchi. Un poète, bon Dieu ! Ne faisons pas fi des poètes, Monsieur Didier. Qu'est-ce donc que Lamartine et que Victor Hugo ? « C'est pourtant vrai, mon ami, » dit Madame Didier. « Nous n'avions pas songé que Victor Hugo et Lamartine sont des poètes. » Monsieur Didier se gratta le front. « Et ce Lamberto qui achète une étude et qui fera fortune ? Pour la dissiper, on prétend qu'il fréquente les coulisses de l'opéra. Et d'ailleurs, je ne sache pas qu'il vous ait demandé la main de votre fille. Mais alors, c'est bien différent. Et du moment que vous pensez que Monsieur d'Arguilly... Je n'y pense rien. Et je n'ai point la prétention de dicter la conduite que vous avez à tenir. » Seulement, si j'avais une fille, et qu'elle fût aimée de M. d'Arguilly serait mon gendre. Il sera le nôtre, s'écrièrent à la fois M. et Mme Didier. Je n'ai pas besoin d'ajouter que M. Mathieu, porteur d'une telle parole, fut admirablement reçu par d'Arguilly. On devine aussi que les invitations, le nombre des voitures, le repas, le bal, en un mot tous les détails de la fête nuptiale, furent réglés d'après les avis de M. Mathieu. M. Mathieu est mort il y a quelques années. En mourant, il dit à M. et Mme Didier, « Je suis heureux de vous laisser avec un ami aussi dévoué, un guide aussi sûr que l'est votre gendre. » Ce qui fait que depuis ce temps, d'Arguilly a pris dans la maison Didier la place de M. Mathieu, et qu'aujourd'hui Léon Didier, d'architecte médiocre qu'il eût été, est devenu un de nos peintres les plus distingués.